Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du Dé au micro. Cet épisode sera une sorte de carnet de campagne, de journal de campagne, pré-campagne à Donjon. La prémisse du monde que j'ai créé est assez simple. C'est un continent ravagé par un cataclysme magique qui redevient peu à peu habitable. Alors, cataclysme, il faut imaginer quelque chose de l'ampleur d'une bombe atomique qui a explosé dans une capitale à peu près au centre du continent central du monde et qui s'est propagée sur l'ensemble du continent et qui a rendu totalement inhabitable le continent. Et là, on est 300 ans après et peu à peu, les bords extérieurs du continent deviennent habitables. C'est donc une grande opportunité pour plein de parties différentes, de s'approprier des territoires, des richesses, redécouvrir des secrets, des connaissances oubliées. Je m'imagine cette prémisse comme étant inspirée par les différentes ruées vers l'or, les concurrences de la colonisation de l'Afrique au XIXe siècle entre Français et Anglais. La prémisse de la campagne, maintenant, c'est les PJ vont participer à une expédition qui est financée par une guilde de marchands. Ils vont être chargés d'explorer le nouveau continent redécouvert, et de faire du repérage. Alors c'est une très grosse expédition qui est organisée. Eux vont faire partie d'un des groupes d'éclaireurs pour le reste de l'expédition. C'est la première grande expédition de ce type qui est envoyée. En effet, la reconquête du continent vient tout juste de débuter. Il y a simplement un petit village qui a été fondé il y a quelques années et qui, contre toute attente, arrive à survivre là où tous les essais précédents avaient échoué. Alors, le groupe de PJ, on va jouer à 5 PJ, ce qui pour moi est un groupe important. J'ai plus l'habitude de maîtriser pour 3 ou 4 personnes. Donc là, ça va être un défi pour moi. Alors, nous avons une paladine elfe, nous avons un clerc humain, une barde humaine, un ensorceleur drakeïde et un être forgé rôdeur. Alors, un drakeïde, c'est le nom que j'ai retenu pour les 100 dragons, je crois qu'ils sont appelés comme ça dans le livre de base. Un être forgé, par contre, lui, est spécifique au setting. Avant le cataclysme, la Grande Terre, une grande partie de la Grande Terre, donc le continent central, était sous domination d'un empire hégémonique elfe, dont la capitale est Skogurod, et c'est à Skogurod qui est l'épicentre du cataclysme. Personne ne sait officiellement pourquoi le cataclysme a eu lieu. Un aparté vite fait, évidemment si vous êtes un de mes joueurs ou joueuses, il est hors de question que vous écoutiez ce podcast. Alors zou, hop, oust, du vent. Les êtres forgés. Donc les elfes maintiennent leur empire hégémonique, autoritaire, et pour asseoir leur domination, étant eux-mêmes pas assez nombreux, ils ont créé des êtres. À partir de métal et de bois, ils ont créé des êtres forgés qui sont des humanoïdes, proches des androïdes en fait, et qui ne se posaient pas la question de l'obéissance, etc. Le cataclysme a donné la conscience aux êtres forgés. Ils sont maintenant totalement indépendants de pensée, et c'est une des races jouables dans mon monde. Alors pour ces êtres forgés, mon inspiration, ça a été les clone troopers, les soldats clones de l'univers Star Wars. Je trouve ça fascinant d'explorer la part d'individualité d'un groupe homogène comme ça. On ne sait pas si les êtres forgés peuvent mourir de vieillesse. En tout cas, ils ne vieillissent pas. l'être forgé qui donc Malos joué par par un DPJ et un des derniers modèles qui a été créé juste avant le cataclysme. Il n'a aucun souvenir de la Grande Terre ni de ses créateurs ou quoi que ce soit. Il a été fini d'assembler par un humain et donc il a reçu une sorte d'éducation humaine. Pour créer ma campagne, j'ai cherché des idées et j'avais du mal à cadrer ma préparation. Je voulais trouver une structure de campagne qui ne consiste pas en improvisant 2 jours avant la séance le scénario pour plusieurs sessions. Ce qui était un peu ce que je faisais sur Trône de Fer et ça me convenait pas vraiment pour créer des arcs narratifs importants. J'avais essayé de créer des arcs narratifs à Trône de Fer et j'ai pas vraiment réussi à les mettre en place. Donc là, je veux vraiment m'améliorer là-dessus. Je n'ai pas créé d'arc narratif spécifique au PJ, mais plutôt spécifique au monde. Et pour cela, je me suis inspirée de plusieurs idées différentes, notamment la méthode 5x5. La méthode 5x5, le principe, c'est 5 scénarios composés chacun de 5 éléments. Et chaque élément peut permettre de rejoindre un autre élément d'un autre scénario. Alors, je vous mettrai les liens vers les descriptions de ces éléments de théorie de structure. Ce sera, je pense, un peu plus clair. Et je vais détailler les notes de l'épisode. Donc la méthode 5x5 me plaît bien, j'ai jamais réussi à la mettre en place et là ça va être mon vrai premier sérieux essai. J'ai fait pas mal de recherches sur les différentes structures possibles. Je me suis intéressée notamment au principe d'ex-scrolling. Donc je pense que ça va pas être uniquement du ex-scroll, mais je vais essayer d'en mettre quelques parties. C'est pas encore très bien clair dans ma tête ça, mais je reviens à la méthode que j'utilise, que je veux utiliser, la méthode 5x5, et je vais faire un mix avec une autre méthode, la méthode des nœuds et des mystères à 5 nœuds. Pareil, je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas. Le principe de la méthode des 5 nœuds, il faut revenir à la définition d'un nœud. Un nœud, c'est un élément qui peut être un PNJ, un lieu, un événement, une activité ou une organisation. Et donc cette méthode des 5 nœuds vient de la méthode des donjons à 5 salles. Parce que 5, c'est un chiffre assez complexe sans étant trop complexe. Cette méthode des 5 nœuds dérive aussi de la règle des 3 indices. La règle des 3 indices, les PJ ratent parfois des éléments, des indices qu'on met dans une scène de crime par exemple. C'est l'exemple bateau. Et donc Justine Alexander, celui qui a mis au point cette méthode en nœuds, rappelle qu'il faut au moins 3 indices vers un même élément pour que les PJ en chopent au moins un. Alors, j'avais déjà utilisé une fois dans un scénario cette méthode de mystère à 5 nœuds, et ça marche plutôt bien. Donc là, je veux le réutiliser. C'était un scénario super-héros. Je sais que pour aller d'un élément à l'autre, d'un nœud à l'autre de mon mystère, je dois mettre au moins 3 indices. Et le pendant de la règle des 3 indices, c'est pour arriver à une scène donnée, il faut au moins qu'il y ait 3 indices qui y mènent. Cette méthode des nœuds nous indique qu'il nous faut 5 éléments et que chaque élément soit lié au moins 3 indices différents provenant peut-être de sources différentes. Jusqu'à arriver soit à l'élément final qu'on avait imaginé, soit à un autre des autres nœuds. C'est justement en permettant de lier les différents nœuds par trois indices que le MJ pourra être surprise en voyant quel est finalement le dernier nœud, le final du scénario. Donc je vais utiliser cette technique des mystères à 5 nœuds avec la technique du 5 par 5 en faisant 5 par 5 mystères à 5 nœuds. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. Je suis d'ailleurs à un peu plus de 5 scénarios, je suis à 6 et je suis en train de réfléchir à quels sont les différents nœuds déjà, les différents éléments de chacun, indépendamment de chacun de mes mystères. Et après, il va falloir que je détermine les indices pour chaque élément et essayer de lier les éléments des scénarios les uns aux autres pour permettre au PJ de passer d'un scénario à l'autre. Je vais donc mettre des indices qui pointent certes vers un des nœuds d'un des arcs et aussi, comment expliquer ? J'ai l'impression d'être pas très claire. Chaque élément aura au moins trois indices qui emmèneront les PJ soit dans un nœud du même arc narratif, soit, ou même en combinant les deux, soit vers un élément d'un autre scénario, d'un autre arc, pour commencer à explorer ou compléter, d'explorer, faire la jonction, la transition vers la nouvelle arc. Dans l'épisode 2, nous verrons notamment comment je me suis approprié cette technique et le détail des mystères que j'ai commencé à réfléchir. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode du Dé au micro.